Puis à un moment donné, il y aura peut-être encore des clous à planter, il faudra encore prendre le marteau. L'idée, simplement, c'est de comprendre que la religion est un tremplin et qu'elle devient un frein lorsqu'émotivement, elle retient l'homme à rester là. L'être humain, au moment de, si on regarde dans le passé, le Nazaréen n'allait pas à la messe, le Nazaréen ne priait pas dans les synagogues. Le Nazaréen prêchait dehors puis prêchait à sa façon. Il appartenait à quelle secte? Le Nazaréen est né dans la secte des Nazaréennes, sauf que le Nazaréen n'appartenait pas à une secte. Donc, lorsque le Nazaréen a été engendré, les chefs esséniens de l'époque, la secte nazaréenne était une secte essénienne, mais la seule qui acceptait les femmes pour la procréation. Lorsque le Nazaréen est venu au monde, c'était mesuré, c'était catalogué, on savait qu'à un moment donné, il y aurait génétiquement une constitution physique qui permettrait de recevoir un peu plus d'intelligence. Et on avait bâti le phénomène du Nazaréen, donc du Christ. Il était attendu, on en avait parlé, et ça, c'était les Esséniens qui en avaient parlé. Cela faisait partie des plans du monde essénien. Et lorsque le Nazaréen est devenu relativement grand, tout était prêt pour le recevoir. Alors, le Nazaréen devait devenir le roi des Juifs. Bon, le roi des Juifs, ça voulait dire simplement qu'il devait prendre possession d'un pouvoir politique planétaire et être le roi des Juifs. C'était le travail du Nazaréen. Jean le Baptiste, qui lui d'ailleurs a été instruit de la même façon que le Nazaréen, était celui qui devait justement amener ce roi. Le maudit problème, c'est que le corps du Christ était suffisamment évolué en vibration que de zéro à l'adolescence, il a pu obtenir un contact avec le plan supramental suffisamment avancé pour lui permettre la création d'un double éthérique. Et c'est là qu'il a commencé à parler de son père, parce qu'il avait un contact dans le plan supramental, donc dans le plan, disons, de l'Esprit Saint à l'époque, par son véhicule éthérique. Et lorsque le Nazaréen a décidé de commencer à faire des choses, on est venu le voir, puis on lui a dit, bon, ben là, c'est impeccable, c'est le temps que tu commences à faire ta job. Alors, il y a du monde qui vont te contacter, Barabbas est venu le rencontrer, puis lui a dit, bon, on sait que tu es le roi des Juifs, alors on a une armée prête, les Zélotes, on a une armée prête, et on n'attend que toi. Le maudit problème, c'est que le Nazaréen a dit, non, c'est... Il n'était pas le roi des Juifs. Non, il était autre chose. Puis c'était pas chez les Juifs, c'était à l'échelle planétaire. Mais ça, il ne l'aura pas dit. Il ne fallait pas qu'il se fasse tuer de suite. Il fallait qu'il se fasse crucifier pour des raisons tout à fait techniques. Bon, alors le Nazaréen lui-même ne faisait plus partie de la secte ni nazaréenne, ni nazarite, ni la secte des thérapeutes, ni celle des gentils, ni celle des esséniens. Il était lui. Il n'a pas fait partie de ces sectes. Sauf qu'évidemment, à l'époque, ça a créé quelques brouhaha, parce que quand tu prends 200-300 ans à préparer quelque chose, puis qu'à un moment donné, le gars qui doit tout faire vient tout te foutre à terre. Mais comment se fait qu'on ne voit pas ça dans la religion? Vois-tu, la religion, elle est là pour permettre à l'humain d'être supporté malgré son ignorance. La religion n'est pas là pour expliquer à l'homme clairement des conditions expérientielles de son évolution. La religion, elle est là pour pouvoir permettre d'une façon colorée, donc ésotérique, de transmettre la réalité à travers un jeu qui peut être adapté à différentes personnalités expérientielles évolutives, donc à différents humains. Dans n'importe quel livre sacré, tu ne peux pas trouver une seule maudite menterie. Sauf que la vérité va être suffisamment organisée pour que tu ne puisses connaître la Bible. Quand est-ce qu'à un moment donné, vous avez compris quelque chose en lisant la Bible? Ou en lisant la Bhagavad Gita ou d'autres livres? Tu lis, c'est intéressant, émotivement, c'est bon. Là, tu sers cela, là, puis là, tu es tout barbouillé d'émotions, puis là, tu veux copier puis faire un peu la même chose. T'sais? Il se passe des choses dans ta vie, d'un coup, tu reprends la Bible, tu lis le même maudit passage. Ah, ben c'est ça, là, je comprends. Eh oui! Ces livres-là, tu les comprends toujours après. Mais pas avant. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, parce que ces livres-là n'ont pas été instruits par l'homme. Ils ont été colorés par l'homme. Ils n'ont pas été induits dans la conscience de l'homme, dans la plume, dans le crayon de l'homme, par l'homme. Ils ont été induits par de l'intelligence. Et lorsque l'être humain lit sa Bible, il apprend une histoire. Mais tu ne peux pas apprendre. L'azophie, c'est quoi l'azophie? C'est la sagesse. Ça ne s'apprend que par l'initiation. Tu ne peux pas apprendre l'azophie dans un cours. Tu peux apprendre la nomie, tu sais, appeler les choses, archange, Gabriel, tu nommes, Mars, planète, estomac. Tu peux apprendre la logique des choses. Ben, l'archange Gabriel, il y a des ordres, il donne ça à ses anges qui font ceci, qui font cela. Bon, tu apprends ces choses-là. Tu peux apprendre l'agonie des choses, c'est-à-dire le mystère cosmique de Dieu là-dedans. Mais toi, tu vas vibrer comment? C'est avec la zophie. Mais la zophie ne s'enseigne pas comme ça. La Bible, elle est là pour te permettre de dire, mais merde, j'avais raison! Écoute, le Coran, même chose. La Bhagavad Gita, tu lis ça, puis à un moment donné, sac, c'est ça. Mais quand tu lis avant, Mais quand tu le lis avant, tu ramasses le phénomène émotif qui colore tout, tu t'imbues, tu deviens imbu de cette chose-là et tu n'arrives plus à comprendre. Pourquoi tu ne peux plus comprendre? Parce que tu n'expliques plus rien à partir de ta vie, de toi. Oh, mais dans la Bible, on dit que ferme ta Bible sur ton nez. Tu as expérimenté au moins quelque chose. Tu sais, la souffrance, la douleur du nez, bon. Mais ça sert à rien de prendre ta Bible, de la connaître par cœur, puis du moment que quelqu'un vient te dire quelque chose, « Oh, un instant, dans Ésaïe, telle chose, il dit ceci, il dit cela. » Tu peux pas rien saisir de même. Si la connaissance fondamentale de la cosmicité, des mystères cosmiques de l'homme, serait facilement transmissible par un livre, ben ça fait longtemps, je pense, que tout le monde ici aura tout compris. L'être humain est ignorant, mais l'être humain n'est pas stupide. Hey, on aurait compris les choses. Mais ces conditions-là ont été créées volontairement pour que l'homme puisse expérimenter ici. Eh oui, parce que l'être humain, s'il aurait lu simplement une chose tout à fait comme ça, tu sais, bon, mais il n'aurait rien lu pantoute. Il n'aurait pas pu lire. C'est comme de dire à quelqu'un, t'es malade, mais t'as la puissance de te guérir. Ben, moi, dis franchement, celui que ça fait 25 ans qu'il est malade, puis qu'il shake, puis qu'il essaye tout, puis tu viens de dire ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Tu sais? Il y a des guerres, c'est normal. Les guerres sont intelligentes parce qu'elles obligent le mélange génétique des races. Puis en même temps, elles obligent l'expérience astrale des humains par rapport à des conditions nouvelles, ce qui les oblige à ne jamais rester mémoriels puis pognés dans leurs orgies psychologiques ou émotives, mais les oblige continuellement à foncer vers l'avant et à découvrir des choses. L'être humain n'étant pas suffisamment intelligent pour concevoir l'intelligence de la science matérielle pour lui permettre de se libérer des conditions matérielles, l'être humain ne devient pas scientifique. Alors on prend une condition émotive, on lance la guerre sur la planète, puis dans la guerre, ben là, l'humain va commencer à inventer des choses. Puis la science évolue à travers les guerres, d'une façon magistrale. Alors mettre ça à l'époque des pharaons, v'là, même 13 000 ans, aller remontant jusqu'à v'là, 300 ans, ça leur aurait rien servi. Par contre, l'humain est là et il est toujours convaincu que dans ses livres sacrés, parce qu'il y a du monde qui évolue aussi rapidement que nos chrétiens, mais qui sont d'autres connotations religieuses. Puis il y en a qui évoluent autrement aussi. Est-ce qu'il faut nécessairement... Celui qui a la foi en la Bible va dire c'est essentiel d'avoir la Bible. C'est normal, celui qui a la foi est convaincu qu'il faut avoir la foi. Parce qu'il n'est pas pour dire... dans sa condition émotive. Non, moi, j'ai la foi, je n'ai besoin, mais vous autres n'avez pas besoin, vous allez arriver à la même chose que moi. Émotivement, il va vibrer. Moi, j'étais un esti de niaiseux, tu sais. Ben, moi, je suis pas un niaiseux. Moi, la foi, c'est essentiel, fait que vous n'avez tout besoin. Parce que celui qui est émotif, ou bien eux autres sont niaiseux, puis lui est correct, ou bien lui est niaiseux, puis eux autres sont corrects. En réalité, c'est pas comme ça. Tu vibres selon ta vibration. C'est une question d'écologie. Oui, mais l'écologie n'est pas religieuse et l'écologie n'est pas scientifique. L'écologie est intelligente. L'intelligence ne fait pas partie de la science, qui est l'organisation mathématique de l'ignorance de l'homme, et l'intelligence ne fait pas partie de la religion, qui est l'organisation émotive de l'ignorance de l'homme. La science, elle explique ce qu'elle a découvert. Hein? C'est tout le reste de l'ignorance, c'est ça la science. Puis la religion, c'est le même phénomène, sauf qu'il y en a un qui est cartésien, l'autre qui est émotif, qui est intuitif. Tout à l'heure, tu parlais de que l'homme connaîtrait une nouvelle religion. Mmh. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion? Premièrement, c'est pas moi qui vais l'amener. Bon, les religions de l'Antiquité ont servi surtout à relier l'homme à l'homme. Religion, religares, relier. Le yoga est une religion parce que yoga veut aussi dire relier. Le hatha yoga, c'est la base matérielle, mais on a différentes formes de yoga. Les religions d'Antiquité, même s'ils ont été communiqués comme étant la possibilité de relier l'homme à Dieu, n'ont jamais eu cette fonction cosmique. Elles avaient comme fonction cosmique de relier l'homme à l'homme. Donc, de collectiviser l'évolution de l'homme de façon à la braquer vers un endroit, un seul Dieu plutôt qu'un paquet de Dieu, pour faire en sorte que l'humain cesse de s'entretuer pour que l'humain finisse par devenir quelque chose comme une planète. Il y a encore quelques religions et lentement l'humain s'en va vers l'ultime religion, planétaire. La religion qui va permettre de relier l'homme à l'homme, mais il n'y aura plus 156 religions, il n'y aura qu'une seule religion, une religion mentale. Et jusqu'à l'heure, on n'a eu que des religions émotives, et même émotivo-émotives. Dire? Bon. Et on se dirige vers l'apparition d'une religion mentale. La religion mentale, c'est une religion qui va être capable de comprendre la mécanicité de l'écologie. Donc, elle sera une religion induite directement par de l'intelligence.

quand tu pourras fusionner les deux, mais pas fusionner intellectuellement, quand tu pourras vibrer des deux. Et l'homme nouveau, c'est justement ce qu'il est. L'homme nouveau est la promesse des religions. Mais la religion ne peut pas amener la promesse parce que la religion est là pour, je le répète, conserver le cadre social ou planétaire qui nécessite sa présence. C'est intelligent. Est-ce que c'est à la religion de libérer l'homme d'elle-même? Mais non, c'est l'homme qui évolue, pas la religion. C'est une mécanique. Oui, c'est à l'homme de se libérer de lui-même. Lorsque le prêtre dit, voilà, tu as suffisamment compris maintenant, ne viens plus te faire confesser, regarde-toi dans le miroir et trouve-toi beau. Bien, le prêtre peut se tromper des coups que la personne n'est pas prête à supporter ce qu'elle fait, sans culpabilité. Mais le prêtre, il est bien mieux de dire, venez à la confession. Je vais prendre, Dieu va prendre vos péchés en main. C'est-à-dire que tu vas finir par accepter que tu es un humain, puis tu vas pas continuer à faire tes choses, sans te sentir coupable. La journée que toi, tu es capable de, ça va être à toi de pas y aller. Pas au prêtre. Comme ça, si on parle d'évolution intelligente, on peut dire qu'on est sûr de pas faire d'erreur. L'humain qui est prêt fait le mouvement. Il supporte. On est sûr qu'il est prêt et il fait le mouvement. Mais c'est lui qui ne fait pas le mouvement, on est sûr qu'il est pas prêt. Il y a du monde de temps en temps qui vient me voir, moi. Est-ce que pensez-vous que ce serait bon pour moi de faire le séminaire PMC1 sur l'homme nouveau? J'ai aucune idée, moi. Si vous le faites, peut-être que c'est parce que vous êtes prête ou c'est le temps ou ça vous va. Si vous le faites pas, c'est parce que ça vous va pas, vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas prête. Pensez ça comme vous voulez. Mais c'est pas à moi de vous dire si ce serait bon ou ce serait pas bon. Il y a des humains pour qui c'est bon, il y a des humains pour qui c'est neutre, des humains pour qui c'est pas bon. Vous dites, c'est pas moi, vous allez vous le dire. Je pourrais me tromper. Et c'est à l'homme de se prendre en main puis de décider. Bon, ça serait-tu bon, je suis un cours de telle chose? Essaye, merde, c'est tout. Tu vas perdre quelques années, peut-être, ou encore quelques mois, ou quelques jours, ou quelques heures de ta vie. Tu perdras rien, mais tu vas, disons que tu vas perdre. Tu vas peut-être mettre un peu d'argent dans ton cours de gestion financière, ou de ceci, ou de cela. Puis peut-être que tu ne feras rien avec. Ça n'a rien à voir avec le cours. Ça dépend de l'individu. Alors, la religion mentale va naître justement de l'expérience qui s'en vient au niveau de l'humain. C'est bien évident, la science dit non, faites-vous-en pas. Plus on en met, moins problème. Ben, on le sait. La religion, la théologie va dire non, faites-vous-en pas. C'est Dieu veille. Ouais. Einstein, c'était un prophète scientifique, puis je l'ai déjà dit, c'est intéressant de le répéter. Il a dit que si l'être humain faisait une troisième guerre mondiale, il la ferait à coup de bombe nucléaire. Puis s'il en ferait une quatrième, il la ferait à coup de roche pas à coup de bâton. C'est une prophétie scientifique. Mais regardons maintenant au niveau théologique, même si la théologie dit que non, les prophéties de Jean de Patmos, par exemple, les l'Apocalypse lui-même. Alors même si la science dit si la religion dit ben les deux ont prophétisé qu'à un moment donné, il faudrait quelque chose. Ça veut dire de deux choses l'une. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un apocalypse pour que l'être humain prenne conscience de ces choses-là et c'est ce qui va rendre la religion mentale, qui va être transitive vers, la non-nécessité religieuse? C'est pas nécessaire qu'il y ait un apocalypse. Enfin, vous et moi, c'est pas nécessaire. Mais c'est nécessaire, par contre, que pour qu'il n'y ait pas d'apocalypse, que la science et que la religion fassent quelque chose. Mais comme présentement, les deux ne sont pas partis à le faire, ça induit une probabilité mathématique que n'importe quel joueur d'échecs pourrait concevoir. La science continue à travailler dans le même domaine et elle fonctionne sur l'espoir. Les scientifiques se déchargent. Nous espérons que l'humanité et que nos gouvernements seront suffisamment brillants pour se servir de notre évolution technologique à bon escient. La théologie fonctionne sur l'espoir. Nous espérons aussi que t'espères qu'il neige pas, sur ton char, t'es mieux de bâtir un petit abri. Parce que l'espoir, ben, il peut neiger, puis il peut ne pas neiger, mais ça ne te regarde plus. La science, présentement, remet les conditions d'avenir, disons, futur de notre planète, entre les mains de l'espoir. Et la théologie fait la même chose. Il faudra absolument que ces deux phénomènes changent, et que ça change dans le cœur de l'homme. Si ça ne change pas dans la tête et dans le cœur de l'homme, le phénomène cartésien et intuitif, si ça ne change pas dans l'individu lui-même, bien évidemment, nos gouvernements sont manipulés par le peuple. Et tant que le peuple reste manipulé par nos gouvernements, bien évidemment, on se promène comme ça. Les religions sont manipulées par les fidèles. Quand les fidèles vont voter à l'église, on le met des messes à gogo, on le met du bingo, on le met quelque chose. Bon, sauf que les fidèles sont en même temps manipulés par le gouvernement spirituel. Alors, il faudrait à un moment donné que dans quelqu'un se passe quelque chose. Mais sachez une chose, c'est que si un pape décide de changer des choses, il ne vit pas longtemps.